ange sur la terre, chapitre 5. Abiyamar. Puisque nous avons esquissé la biographie d'une partie des personnages qui doivent figurer dans les événements simples et naturels que nous avons à raconter, il nous semble nécessaire d'en agir de même pour les nouveaux acteurs que nous allons mettre en scène. Tous nos portraits ont été dessinés d'après nature, et nous tenons à constater qu'ils appartiennent à la réalité bien plutôt qu'au roman. Il y a dans ce monde des êtres parfaitement heureux dont le sort est digne d'envie. Ce sont les gens qui, doués d'une bonne santé, jouissant de cette douce médiocrité qui assure le pain quotidien, aussi en dehors des illusions dorées que des impérieuses nécessités de la vie, ne connaissant même de vue aucun livre, si ce n'est le catéchisme, se sont créés une vie extérieure aussi réglée qu'une horloge et une vie intérieure aussi paisible qu'une mare d'huile. Nous savons fort bien que le siècle des Lumières méprise souverainement ces gens-là et fait fi de ces tranquilles et modestes existences. Aussi cherche-t-il à inoculer à chacun la noble ambition, suivant l'expression à la mode, de sortir de sa sphère et de poursuivre de chimériques espérances. On pourra faire l'application de cette vérité en lisant l'histoire que nous avons commencée. Nous allons maintenant transporter le lecteur à Biyamar, petit port de mer perdu sur une des côtes de l'Espagne et dans lequel Don Perfecto Civico cumulait les fonctions d'alcalde et de maréchal ferrant, tenant dignement et à la satisfaction générale, dans ses robustes mains, la verge de l'alcalde et le marteau du forgeron. Dans le temps où il était vétérinaire dans un régiment, le digne homme avait fait connaissance, en Galice, d'une Galicienne qui valait son pesant d'argent, ce qui n'était pas peu dire. Civico, qui était assez joli garçon, fut bien accueilli quand il se présenta comme un prétendant. Mais on lui imposa la condition de quitter le service et de planter sa tente et sa forge dans le village de la prétendue. À peine marié, Civico perdit son beau-père et, après avoir réalisé l'héritage qu'il convertit en bonnes lettres de change sur un marchand de Cadix, il s'en fut, avec sa femme, dans cette ville d'où ils passèrent à Villamar. Voici l'origine de cette fortune dont ils avaient hérité. L'aïeul de la Novia avait eu deux fils, Tiburcio et Bartolo. Du premier, qui était fort et robuste, le père fit un laboureur. Quant au second, qui était faible et débile, il l'envoya en Amérique avec une faible pacotille. Au bout d'un grand nombre d'années, on reçut une lettre dans laquelle Bartolo informait sa famille que ses affaires avaient prospéré et qu'il avait acquis une assez belle fortune. La lettre était signée Bartolo May. Ce May, ajouté à son nom, parut bien à Tiburcio une prétention un peu ridicule de la part de son frère. Mais il la lui pardonna d'autant plus volontiers que celui-ci ne tarda pas à mourir, lui laissant une fortune que Tiburcia, sa fille, apporta plus tard en dot à l'amoureux vétérinaire. Cette union fut heureuse, car, à part une sotte vanité de vouloir passer pour un homme éclairé, Civico était un excellent homme. Et, malgré son caractère impérieux et grossier, Tiburcia était bien la meilleure des femmes. Depuis que la verge d'alcalde, dont personne n'avait voulu, était tombée entre ses mains, Don Perfecto Civico s'était cru obligé d'affecter un ton sentencieux et doctoral et de prendre les airs d'un fonctionnaire public. Tiburcia, naturellement franche et joviale, s'inquiétait fort peu de ce ton et de ses airs, et conservait dans sa maison la supériorité que lui donnaient les écus qu'elle y avait apportés. Pour nous servir d'une expression peut-être un peu vulgaire, mais caractéristique, elle portait les culottes. Civico n'élevait pas de réclamations à ce sujet, mais ce qui faisait son désespoir quotidien, c'est que sa femme, quand elle parlait de lui, n'avait jamais pu, ni voulu, le désigner autrement que par la dénomination de maréchal Ferrand. Ce mot, sortant de la bouche de sa propre moitié, faisait rougir de honte l'alcalde de Villamar. Tiburcia, disait-il à sa femme, celui qui exerce l'art de soigner les animaux s'appelle un médecin vétérinaire. Au diable, lui répondait celle-ci avec son accent galicien, chez nous, celui qui soigne les bêtes s'appelle un maréchal, et il n'en rougit pas. C'est vrai. C'est vrai, était une conclusion après laquelle le mari savait qu'il n'y avait rien à ajouter. Mais vint un jour où cette paix domestique fut troublée d'une manière plus sérieuse. Don Perfecto avait placé toutes ses espérances sur la future élévation de sa race. Toutes les portées de sa noble ambition, toutes les illusions de ses songes dorés, reposaient sur son fils aîné, Tiburcio, qui venait d'atteindre l'âge fixé par son père pour l'envoyer faire ses études à Séville. Nous n'entrerons pas dans le détail des altercations qui eurent lieu à ce sujet entre la moitié éclairée et la moitié non éclairée de cet illustre couple. Ce serait à n'en pas finir. « L'envoyer étudier !» s'écriait la Tiburcia avec son bon sens galicien. C'est-à-dire dépenser de bons écus pour devenir un fainéant. Qu'il apprenne à ferrer et à soigner les mules comme son père, et il gagnera bien mieux sa vie. C'est vrai. Étudier, es-tu donc tenté du démon, Perfecto? Étudier. Tiburcio est-il donc le fils de quelque marquis? Je n'y consentirai pas, c'est vrai. Pour la première fois de sa vie, Perfecto réclama les culottes qu'il avait si facilement laissé usurper. Voir son fils s'élever dans les hautes régions, c'était le songe doré de sa vie entière. On lui eût plutôt arraché le cœur et la verge d'alcalde que de le faire renoncer à cette brillante fantasmagorie. Il avait fait tous ses efforts pour l'introduire également dans l'esprit un peu obtus de son fils, et pour le pénétrer de la noble ambition dont il était lui-même animé, mais la chose n'était pas facile. Tiburcino, comme l'appelait sa mère, ne se souciait guère d'étudier, et encore moins de quitter Villamar, où, malgré son jeune âge, il avait déjà une novia. Cette novia était Micaela, ou Kela, comme on avait coutume de l'appeler, fille de l'oncle Juan López, le riche compère de l'alcalde. Les parents avaient vu, avec plaisir, se former cette inclination qui présentait de part et d'autre toutes les convenances désirables. Aussi, l'oncle Juan López fit-il à l'alcalde quelques sages et prudentes réflexions, mais elles furent inutiles. Tiburcia grogna, ragea, pleura, cria. Elle n'eut pas plus de succès. L'inflexible alcalde partit avec son fils, grand échalas de mauvaise mine, monté sur une mule aussi efflanquée que lui. Le jeune homme, qui était de Villamar, pays connu pour la terre classique des citrouilles végétales, prouva, dans les divers examens qu'il eut à subir pendant le cours de ses études, que son pays pouvait également produire des citrouilles morales. Le temps passé à l'université se prolongeait démesurément. Aussi fallait-il entendre les lamentations, les imprécations, les reproches qui sortaient, comme d'une source abondante, de la bouche de la Tiburcia, chaque fois que l'expiration d'un trimestre forçait l'économe galicienne à dénouer les cordons de sa bourse. Quant à Perfecto Civico, il recevait stoïquement l'abordée, pourvu que son fils pût poursuivre la route conduisant au ministère. Rien ne lui coûtait pour mener son projet à bonne fin. Chaque tranchée qu'il guérissait se convertissait en un droit royal, et les fers qu'il plaçait en un destut traci, au grand désespoir de Tiburcia, qui s'écriait tristement. « Cet homme est un mauvais père. Il dépouille ses autres enfants, qui ne verront pas un maravedi de l'héritage de mon oncle Bartholomé. Dis-moi, malheureux homme, si tous les autres maréchaux ferrants envoyaient leurs fils étudier, qui soignerait les bêtes? C'est vrai !»« Les fils de marquis, » répondait l'alcalde. « Les fils de marquis, comme le dit fort bien le journal intitulé « La veille du jour de la justice ». Puis l'alcalde se drapait dans sa grossière capote comme dans la toge d'un sénateur romain et abandonnait l'obscur et mesquin foyer domestique. Note du traducteur. Droit royal, destut traci, sont des ouvrages de droit et de politique. Fin de la note. Lors des premières vacances que l'étudiant vint passer à la maison paternelle, il rapporta de Séville, avec un très mauvais ton et d'ignobles manières, un féroce appétit qui fit dresser les cheveux sur la tête de sa mère. Dans cette première visite, Kella n'eut pas trop à se plaindre de la froideur de son novio. Elle l'entendit cependant avec peine vanter, sur un ton d'enthousiasme, les jeunes ouvrières de la manufacture des tabacs, et les citer comme des types de grâce et de bon ton. Elle goûta fort peu également les exhalaisons vineuses, compagnes inséparables de l'étudiant villageois. Néanmoins, toujours fidèle à son premier amour, c'était avec plaisir qu'elle voyait les parents s'occuper des préparatifs de la noce. Les visites de Tiburcio devinrent bientôt plus rares et les demandes d'argent plus multipliées. Enfin, l'étudiant étant venu passer quelques jours dans sa famille, y apporta des airs de matamor, une prétention à dominer tout le monde, qui le rendirent insupportable à un chacun, à l'exception de son père qui, dans cette conduite, croyait voir l'homme supérieur. Ce dédain de Tiburcio pour tout le monde s'étendait jusque sur sa novia, la jolie Micaela. Et cependant, Kella était une de ces créatures privilégiées, comme il en est dans toutes les sphères, non pas pour en sortir, mais pour les embellir. Car, dans son inépuisable bonté, Dieu partage ses faveurs entre toutes les classes. Kella avait été élevée à l'école de la Signora Rosita, dont elle était la préférée. Dès son enfance, sa docilité, son application et son aimable caractère l'avaient fait chérir de tout le monde. Si d'un côté, le caractère un peu dur de son père la rendait réservée, d'un autre côté, la tendresse de sa mère la rendait confiante. Kella était sereine comme un beau jour, charitable comme une sainte. Elle répandait enfin autour d'elle, comme les fleurs embaumées du jasmin, un parfum pur et délicieux.